Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour deux heures de rock progressif. Et avant de débuter, bien, on va faire un petit survol de ce qu'on va entendre aujourd'hui. Alors, on aura de la Norvège Caligonaut, aussi de la Norvège Suburban Savages. Ensuite, on ira en Allemagne avec Morphelia. En Angleterre avec Keith Emerson Band, aux États-Unis avec Niacin, un retour en Allemagne avec Long Distance Calling et Voivode du Québec. Ensuite, on aura Epica des Pays-Bas, Cross de la Suède et on va conclure avec Steve Hackett, le représentant bien connu de l'Angleterre. Alors, comme à l'accoutumée, on a le premier bloc de l'émission qui est consacré à l'album de la semaine. Et pour la deuxième semaine consécutive, on aura l'album Magnified as Giants du groupe Caligonaut. C'est un album qu'on a entendu la semaine dernière. Alors, étant donné que l'album est très bon, on remet ça cette semaine. Et on aura deux pièces tirées de cet album qui, dans le fond, en contient quatre. La première, ça va être Emperor et on va conclure avec Hushed. Anything now. there falls the shadow between us. Between us is the void. And though our eyes are empty, they are perfectly clear. Could I just be a silly fool? My neighbor people still speak of your greatness. I don't know anything. Thank you.

boisterous ripples of thought. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Avant la pause, on a entendu le groupe norvégien Caligonaut. En fait, il s'agit du projet d'un musicien de Airbag. Il fait aussi partie de Oak. Et il accompagne aussi Bjørn Riis. Il s'agit de Ole Michael Bjørndal. Alors, il a son propre projet à lui qui s'appelle Caligonaut. Et on a entendu deux extraits de l'album Magnified as Giants. Maintenant, on va débuter le deuxième bloc avec une autre formation norvégienne. Il s'agit de Suburban Savages. C'est un groupe qui a trois albums studio à son actif. Le deuxième s'intitule Core Wall et c'est extrait de cet album-là qu'on va entendre As I Am Dying. Ensuite, on aura Morphelia de l'Allemagne. C'est un groupe qu'on a entendu la semaine dernière. Alors, on remet ça avec un autre extrait de l'album Waken the Nightmare qui est paru en 2009. Et la pièce que je vous propose, c'est Mirror Labyrinth. Ensuite, Keith Emerson Benn. Ça, c'est le claviériste de Emerson, Lake & Palmer, qui, durant sa carrière solo, a quand même produit 14 albums studio. Et l'avant-dernier, bien, s'intitule Three Fates Project. Et je vais ressortir des Boulamites, là, une très vieille chanson qui date du premier album. C'est Fanfare for the Common Man. Ensuite, pour rester à peu près dans le même mood de clavier, on aura Niacin, un groupe qui m'a été suggéré par Michel Addison de Trois-Rivières. C'est un groupe américain qui a 6 albums studio. Et comme il y a 2 semaines, on va extraire une pièce de l'album Deep qui est paru en 1999. Et la pièce, c'est Blue Mondo. Je rappelle aux auditeurs que si vous avez des difficultés à retenir les pièces, eh bien, je vous propose d'aller consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Vous allez y trouver toute l'information concernant les artistes, les noms des albums, la provenance et la date de parution de ces pièces-là. Alors, on y va tout de suite avec Suburban Savages. We'll be right back. My friend. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. On débute le troisième bloc de l'émission avec une nouveauté du côté de l'Allemagne. Il s'agit de Long Distance Calling, qui ont produit un mini-album. Il s'intitule Ghost. Et la pièce que j'ai extraite pour vous, mais c'est Séance. Ensuite, on va retourner une trentaine d'années avec Voivod du Québec et un extrait de l'album Nothing Face. C'est un extrait très connu parce qu'il a été assez populaire. C'est un succès commercial, je dirais, pour le groupe. Et la pièce, c'est la pièce de Pink Floyd, Astronomie Dominée, qui originalement a été produite là, dans les années 60. Ensuite, on va aller du côté des Pays-Bas avec une nouveauté du groupe Epica. C'est leur neuvième album. L'album s'intitule Omega. Et la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est Kingdom of Heaven. Alors, on y va tout de suite avec Long Distance Calling. Thank you. winding signs flap, flicker, flicker, flicker, flam, pow. Stairways care and death rules there. On à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Avant de débuter le dernier bloc de l'émission, on va faire un petit retour en arrière. Alors, ce qu'on a entendu avant la pause, c'était la formation des Pays-Bas Epica et la pièce Kingdom of Heaven. Ça, c'est tiré de leur plus récent album Omega. Et auparavant, on avait Voivod du Québec et la pièce Astronomie Dominée. Et on avait débuté le tout avec Long Distance Calling d'Allemagne et la pièce Séance tirée de l'album Ghost. Maintenant, on va aller du côté de la Suède avec une formation qui est quand même assez présente là, depuis 1988. Le groupe s'appelle Cross. Ils ont 12 albums d'enregistrés en studio. Et ce qu'on va entendre, c'est tiré du 8e album paru en 2009. L'album s'intitule The Thrill of Nothingness. Et la pièce, c'est Magnifico Giganticus. Ensuite, on va aller avec Steve Hackett. Je pense qu'il se passe de présentation. Il a déjà beaucoup, je pense que c'est 27 albums studio d'enregistrés et une multitude de DVD et d'albums en spectacle, dont le plus récent qui a été enregistré en 2019 au Apollo Hammersmith de Londres. Et il s'est fait accompagner à l'époque du chanteur Nad Sylvan, c'est un habitué des spectacles de Steve Hackett. Et c'est quand même un album qui contient 21 chansons. Et c'est aussi produit en DVD. Alors, ceux qui s'intéressent, là, c'est un autre album de qualité de Steve Hackett. Et on va rester dans les pièces traditionnelles du groupe Genesis avec Firth of Fifth et puis de Cinema Show. Mais on débute ça avant avec Cross. We'll be right back. The path is clear, though no eyes can see. The course laid down long before. So with God send men, the sheep remain inside their pen. Though many times they've seen the way to leave. He writes majestic past hopes of men who care not or gaze with joy to see reflected there the trees, the sky, the lily fell. The scene of death is lying just below. The mountain cuts off the town from you, like a cancer growth, it's removed by skin. Let it be revealed. A waterfall is my record, an inland sea, his symphony. No. Thank you.

there's no mystery. What's a man like the CRA? What's a woman like the FIA? Ah, but there is in fact more than C. Thank you. Ceci met fin à la programmation musicale de cette émission de Rock de Neurones. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler qu'à chaque semaine, je publie une infolettre dans laquelle j'inclus la feuille de route de l'émission. Ça inclut les artistes, les chansons, les albums et beaucoup d'autres informations. Et en plus, j'ai une liste des albums à venir. Ça inclut aussi des liens pour en écouter des extraits. J'ai un top 15 des meilleurs albums de rock progressif là, en cours. Et j'ai une liste des émissions spéciales aussi que vous pouvez écouter en différé. Si ça vous intéresse d'être sur la liste de distribution, vous n'avez qu'à me donner en privé sur la page Facebook de Rock de Neurones une adresse courriel et je vais vous envoyer la plus récente et vous recevrez automatiquement toutes les autres à venir. Alors, c'est Jimmy Farley qui espère que vous avez aimé l'émission de cette semaine et qui vous invite pour un nouveau rendez-vous la semaine prochaine à même heure.